Le frère gris et la pèlerine de Gottfried August Burger. Une jeune et belle pèlerine s'approcha de la porte du couvent. Elle sonna et un frère gris, pieds nus, se montra à demi. « Jésus-Christ soit loué, » dit-elle. « Dans toute l'éternité, » répondit-il. Élevant les yeux sur elle, une émotion soudaine le saisit et son cœur battit fortement. « Respectable frère, n'est-ce pas dans la solitude de ce couvent que se cache l'ami de mon cœur ?» demanda la pèlerine à demi-voix et avec une touchante modestie. « Fille de Dieu, à quoi puis-je reconnaître l'ami de ton cœur ?» À son cilice, à sa discipline, à sa ceinture de corde et à son bâton de saule, mais mieux encore à sa taille élancée, à son visage brillant comme une aurore de mai, aux boucles d'or de sa chevelure, à ses yeux d'azur et à son cœur bon, aimable et fidèle. Fille de Dieu, depuis longtemps il est mort et enseveli. Un marbre bien lourd le couvre, l'herbe siffle déjà sur sa tombe, car il y a longtemps qu'il est mort et enseveli. Vois-tu là-bas la fenêtre de sa cellule, entourée de lierre ? Là il vécut, pleurant les torts de son ami. Là il s'éteignit, comme une lampe qui manque d'aliment. Au son de l'hymne funèbre, six jeunes filles le portèrent à sa dernière demeure. Plus d'une larme suivit le cercueil dans la tombe. Oh malheur, malheur, il n'est donc plus ? Il est mort et enseveli ? « Oh mon cœur, brise-toi, car tu es coupable. »« Ma fille, prends courage, ne pleure pas, mais élève ta prière vers Dieu. En vain le chagrin déchire le cœur, en vain les yeux s'éteignent dans les larmes. Cesse donc d'en verser. »« Oh non, non, respectable frère, ne blâme pas mes larmes. Il était la joie de mon cœur. Jamais sur la terre il n'y eut un amant si tendre et si fidèle. » Laisse-moi pleurer et gémir nuit et jour, jusqu'à ce que mes yeux s'éteignent dans mes larmes et que ma langue desséchée bénisse Dieu en disant « Tout est fini. » Ma fille, prends courage et patience. Cesse de pleurer et de gémir. Quand la violette est cueillie, aucune rosée, aucune pluie bienfaisante ne peut la réjouir. Elle se fane pour toujours. Le bonheur s'envole avec la rapidité de l'hirondelle qui fuit sur ses ailes légères. Pourquoi donc retenir ainsi le chagrin qui écrase notre cœur sous sa masse de plomb ? Laisse-le s'éloigner. Ce qui est mort est mort. Oh non, non, respectable frère, ne mets point de borne à ma douleur. Si je souffrais pour celui que j'aimais tout ce qu'une femme peut souffrir, ce ne serait pas trop. Je ne le verrai donc plus. Malheureuse, jamais. La tombe le couvre, la neige et la pluie y tombent. L'herbe siffle sur lui. Azur de ses yeux, rose de ses joues, douceur ineffable de ses lèvres, où êtes-vous ? La tombe a tout dévoré. Que le chagrin me dévore à mon tour. Ma fille, ne t'afflige pas ainsi. Ignores-tu que l'homme doit être prêt au bonheur comme à la peine et qu'il est exposé à tout ? Tu es aimable et constante, et pourtant, peut-être votre union n'eût pas été heureuse. Il était jeune, la jeunesse est changeante comme le temps d'avril. Oh non, non, respectable frère, ne parle pas ainsi. Mon ami était fidèle et franc comme l'or. Jamais la fausseté n'altéra sa candeur. Ah, puisque la tombe l'enchaîne dans ses noirs abîmes, je renonce à ma patrie. J'irai porter au loin le bâton de pèlerinage. Mais avant, je veux m'agenouiller sur son tombeau. Je veux que l'herbe y croisse plus verte, arrosée de mes larmes et rafraîchie de mes soupirs. Ma fille, entre d'abord pour te reposer. Entends-tu le vent mugir autour de cette enceinte et la pluie froide retentir sur les vitraux ? Oh non, non, respectable frère, ne me retiens pas. Laisse tomber la pluie sur moi, car toute la pluie du ciel ne laverait pas ma faute. Ah, ma douce amie, reste et console-toi. Regarde-moi, ne connais-tu donc pas le frère gris ? Hélas, c'est moi qui suis ton ami. Dans la douleur d'un amour sans espoir, je revêtis ce vêtement. Bientôt un serment éternel allait exiler ma vie et mes chagrins dans la solitude. Mais Dieu soit béni, l'année du noviciat n'est pas encore expirée. Ma tendre amie, si tu as été sincère et si tu veux me donner ta main, nous partirons ensemble. Dieu soit loué, Dieu soit béni. Fuyez chagrins et soucis. Salut bonheur et joie. Viens mon ami, viens sur mon cœur. La mort seule pourra nous séparer.